Merci Marie-Hélène. 19h30, c'est l'heure de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, le Salon Noir. L'archéologie peut-elle encore nous surprendre, mieux surprendre les archéologues? La découverte d'une nécropole préhistorique au cœur de la Seine-Saint-Denis nous a tous surpris. Par son ancienneté tout d'abord, par le fait qu'elle ne fut pas annoncée dans quelques congrès de spécialistes, mais voici peu, sous la plume de Nathaniel Herzberg dans les pages Sciences du Monde. Une chose est sûre, l'archéologie française n'avait pas trouvé une telle nécropole depuis 1934, les deux premières ayant été fouillées sur deux petites îles bretonnes battues par les vents. Pour évoquer cette trouvaille vieille de plusieurs millénaires, je me suis rendu à l'Institut d'art et d'archéologie pour rencontrer Gabrielle Bosset, préhistorienne, responsable des fouilles, et Boris Valentin, incontournable spécialiste de la fin de la préhistoire, professeur à l'Université de Paris. Boris Valentin, qu'est-ce que la préhistoire, si ce n'est le temps des mammouths, de l'art des cavernes et bien sûr des chasseurs de rennes? Ça, c'est la préhistoire âge de glace. La préhistoire, en fait, la définition la plus simple, c'est tout ce qui se passe avant l'invention de l'écriture. Or là, l'écriture a été inventée à des moments différents, a été pratiquée à des moments différents selon les endroits du globe. Donc, la préhistoire, elle va au-delà des âges glaciaires. Elle va jusqu'à 3500 avant Jésus-Christ, en gros, pour l'invention de l'écriture au Moyen-Orient. Elle va bien plus tard, elle s'arrête bien plus tard dans les régions où l'écriture a été pratiquée tardivement au moment des colonisations. Donc, bref, la préhistoire excède largement les périodes les plus froides dans l'histoire du globe. Il existe une préhistoire tempérée. Il existe une préhistoire de ce qu'on appelle l'Holocène, c'est-à-dire cette grande période tempérée qui commence vers 9500 avant Jésus-Christ. Vers 9500, donc, le réchauffement de la planète entraîne une mutation profonde des paysages. Peut-on parler de résilience pour ces sociétés? Ces sociétés, les sociétés de chasseurs-cueilleurs mobiles, qui précédaient les sociétés dites paléolithiques dans les conventions des archéologues, ont dû s'adapter effectivement à un réchauffement qui a été très brutal. La transformation des paysages a été plus lente. Les paysages se transforment lentement par rapport au climat. Mais c'est vrai que le climat se transforme très très vite vers 9500 avant Jésus-Christ. Et il a fallu que ces sociétés qui vivaient de ressources naturelles, qui vivaient de collecte et de chasse, s'adaptent et s'adaptent vite. Il y eut d'autres moments dans la longue préhistoire de l'humanité d'adaptation rapide. On sait maintenant que l'histoire du climat est une histoire assez chaotique et que ces groupes de chasseurs-cueilleurs avaient les moyens à diverses reprises de s'adapter vite à ces transformations climatiques et à ces transformations plus lentes de paysages, de gibiers, etc. Alors nous voici dans une période que les archéologues appellent le Mésolithique, qui somme toute ne serait que très peu étudiée. En France, ça a été un peu le parent pauvre des études préhistoriques jusque dans les années 1970-1980. Le Mésolithique, il faut dire les choses le plus simplement possible, ne se distingue pas par des vestiges très monumentaux. Pas de structure d'habitat très construite, des tout petits objets, etc. C'est pas très attractif. Donc, depuis les débuts de la recherche en préhistoire, environ 1830 jusqu'aux années 1960-1970, peu nombreux sont les gens qui se sont intéressés à cette période. Ça a changé donc autour des années 1970 avec des grands pionniers de la recherche. Il faut citer le docteur Rozois qui a été quelqu'un de très important en France. Et ça change beaucoup ces dernières années, depuis les années 1990, grâce à l'archéologie préventive qui a apporté son lot de découvertes spectaculaires concernant la période dite mésolithique, avec des habitats très bien conservés, des sources de très bonne qualité qui permettent de réfléchir à cette période. Alors l'histoire a son entre-deux, sa période intermédiaire, le Moyen-Âge, la préhistoire aussi, avec ce mésolithique entre un ancien et un nouveau. Oui, ça c'est mésolithique, en fait c'est un héritage terminologique que nous traînons. En fait, moi je dis souvent qu'on pourrait parler de paléolithique terminal, c'est l'époque des chasseurs-cueilleurs. mobiles pour une part, peut-être un peu sédentaires pour d'autres. Bref, il y a les transformations climatiques, les adaptations dont on a parlé, les adaptations nécessaires, mais il y a aussi beaucoup de continuité avec le mode de vie dit paléolithique. Donc moi, je dis souvent qu'on pourrait parler aussi de paléolithique terminale. Mésolithique, c'est un héritage, et c'est un héritage qui trimballe effectivement un tout petit peu cette idée d'une espèce d'entre-deux avant l'adoption des pratiques agro-pastorales. En réalité, on est, comme dans tout processus historique, on est à la fois dans la continuité de ce qui précède et dans l'invention de nouvelles formes d'adaptation, mais de la part de chasseurs-cueilleurs mobiles. Ce sont des gens qui n'ont pas changé les bases de leur économie. On se souvient de ce livre « Âge de pierre, âge d'abondance ». La préhistoire est aussi affaire de point de vue, les temps des derniers chasseurs, juste avant le « travailler plus pour gagner plus », et bien sûr l'apparition des premières sociétés de production. Alors là aussi, on revient un tout petit peu à au lancement des études mésolithiques dans les années 1960-1970. Il y a des points de vue extrêmes qui se sont opposés. Cette vision d'un Moyen-Âge préhistorique, on y a fait référence, donc une vision misérabiliste de ces populations qui s'adaptent à des environnements forestiers, après les grands gibiers de la période glaciaire, donc des petits gibiers, donc des gens qui vivent mal, etc. Et à l'autre extrême, on a parlé du docteur Rozoy à l'instant, qui lui a été un peu le panégyriste de cette période, accomplissement dans l'histoire des chasseurs-cueilleurs, etc. Aujourd'hui, on est évidemment dans une vision beaucoup plus nuancée sur la complexité de ces formes d'adaptation, qui n'ont pas toujours été forcément, faciles. Je parlais de ce réchauffement très brutal vers 9500 avant Jésus-Christ. Eh bien, on peut suspecter des moments de crise chez ces chasseurs-cueilleurs, donc des moments de stress, avec là, pour le coup, peut-être pas tant d'abondance que cela. Et on peut aussi, on constate des moments, au contraire, d'adaptation tout à fait réussie, avec peut-être, on a parlé de chasseurs-cueilleurs mobiles pour l'essentiel, mais peut-être quelques phénomènes de sédentarisation précoce de la part de ces chasseurs-cueilleurs, sédentarisation chez des chasseurs-cueilleurs, dit soit du stockage, soit des ressources extrêmement abondantes, donc probablement des périodes où les conditions économiques étaient très favorables. Cette pré-sédentarisation est un phénomène qui apparaît non pas seulement en Europe occidentale, on en a d'autres exemples ? On a beaucoup d'exemples à la fin de la période glaciaire, en Amérique du Sud, en Chine, au Japon, au Proche-Orient. Certaines de ces sédentarisations vont d'ailleurs conduire progressivement aux premières pratiques agricoles, voire aux premières pratiques pastorales. C'est le cas au Proche-Orient, sachant que les pratiques agro-pastorales qu'on connaîtra plus tard en Europe sont tributaires de cette invention proche-orientale d'une agriculture et de certaines formes d'élevage particulières à cette région. Il y a des régions du globe, au contraire, je pense au nord du Japon, où il y a sédentarisation de chasseurs-cueilleurs à la fin de l'époque glaciaire, et puis au début donc du réchauffement dont nous parlons. Et là, ça ne conduira pas du tout à l'invention de pratiques agro-pastorales, ou alors très tardives. Au Japon, c'est pas avant le 3e siècle avant Jésus-Christ. Donc il y a eu effectivement, en de multiples endroits du globe, à la fin de la période glaciaire ou au début du réchauffement, des phénomènes de sédentarisation plus ou moins développés. L'Europe, ces phénomènes existent, mais sont plus ponctuels en comparaison de ce que l'on vient d'évoquer pour le Japon, l'Amérique du Sud, la Nouvelle-Guinée aussi, etc. Gabriel Bosset, vous venez de faire une très très belle découverte durant vos fouilles de juillet et d'août. Ce que vous espériez depuis longtemps ? Oui, on est content d'avoir pu trouver une quatrième sépulture. On l'a cherchée, on l'a trouvée, on est rassuré enfin de la voir. Vous l'avez trouvée où ? On l'a trouvé dans un secteur où on faisait de la vérification, donc c'est un étudiant en fait qui l'a identifié. En fait, on l'a recherché depuis 2 mois et on a pu l'identifier 4 jours avant la fin des fouilles. Vous l'avez trouvé en Seine-Saint-Denis ? On l'a effectivement trouvé en Seine-Saint-Denis, sur le site de la haute île Neuilly-sur-Marne, dans un espace qui a été préservé pour et dédié à des fouilles programmées. Alors, cette haute île de Neuilly-sur-Marne est un milieu assez particulier, une sorte de réserve naturelle miraculeusement préservée de l'urbanisation. Oui, effectivement, c'est dans le cadre de l'aménagement en fait du parc départemental de la Haute-Île que le département de la Seine-Saint-Denis a décidé de mettre en réserve un espace de 3 hectares pour éventuellement fouiller a posteriori dans le cadre d'une fouille programmée. Alors bien sûr, toute découverte a son histoire. Cette tombe, découverte donc au mois d'août, en a une ? Oui, en fait, elle vient surtout d'une histoire qui est beaucoup plus ancienne, où ça fait depuis à peu près 4 ans qu'on fouille. On en avait déjà une, une première sépulture qui avait été découverte. L'année suivante, on ne la recherchait pas forcément. On a trouvé une deuxième et s'en est suivie une troisième. Et donc celle-là, effectivement, on s'y attendait. On l'a recherchée et effectivement, elle a une histoire, mais qui est à la base, qui est issue d'une... On l'a recherchée puisqu'on était venu pour comprendre cet espace. Ces quatre tombes sont-elles éloignées les unes des autres ? Les trois premières tombes qu'on a identifiées ne sont pas du tout, enfin sont très restreintes au niveau de l'espace. Elles sont distantes de 1,50 m à 2,50 m. Par contre, la dernière sépulture qu'on a identifiée, elle est éloignée de 14 m de l'autre groupement de sépultures. Donc celle-ci, effectivement, est un peu éloignée, mais on s'attend à en avoir d'autres entre les deux. Elles datent exactement de quelle période ? Vous avez fait des datations ? Alors, nous n'avons pas encore fait les datations puisque c'est une découverte très récente. Par contre, nous avons réalisé des datations sur les trois premières sépultures et datent effectivement du mésolithique, soit de la fin du premier mésolithique, soit du début du second mésolithique, à peu près 6500 ans avant Jésus-Christ. Et on peut penser qu'elles sont toutes contemporaines ? Alors, à l'heure actuelle, les trois premières sépultures sont contemporaines. Au niveau des écarts-types, tout fonctionne. Au niveau de la position des géographiques des individus, la position stratigraphique également au sein du site. Et aussi, en termes de gestes funéraires, il y a une certaine cohérence qui nous font supposer qu'elles sont contemporaines. Justement, comment sont inhumés ces individus ? Alors, elles ont une position qui est assez particulière. Ce sont des positions assises, donc ce sont des sépultures individuelles, des inhumations primaires. Donc, les individus sont enterrés en position assise dans un espace assez restreint. On n'a pas encore identifié les limites des fosses, mais du moins, on a une cohérence entre toutes les squelettes. Boris Valentin, se faire enterrer assis, c'est une pratique courante ? Au mésolithique, oui. Pour l'instant, l'enquête reste à faire. L'enquête reste à faire dans les bases de données ethnographiques sur la fréquence ou non de ce type de position. Personnellement, je ne sais pas. C'est quelque chose qu'il faut qu'on fasse. Au mésolithique, effectivement, pour l'instant, ça fait partie des positions dans le mésolithique français. Hein, ça fait partie des positions assez courantes. C'est pas exclusif. Il y a d'autres positions allongées, etc. Gabriel Bosset, quand vous avez fouillé ces tombes, tout devait être complètement compacté. Si on se fait enterrer assis, tout ça ne fait que quelques centimètres. Effectivement, les individus se retrouvent dans les positions assises et on a des espaces secondaires en fait qui font que le squelette se retrouve dans un espace très très restreint d'à peu près 40 cm de hauteur. Donc oui, tout est assez tassé. Qu'est-ce qui apparaît en premier ? Le crâne, c'est le crâne. On trouve tout de suite immédiatement le crâne, ce qui est assez, enfin disons qui n'est pas, c'est pas commun dans les sépultures qu'on peut fouiller, et c'est assez facile de pouvoir l'identifier puisqu'on retrouve la première chose qui est caractéristique et qui se différencie clairement des restes de faune. Et ensuite ? Et ensuite, sous le crâne vient les humérus, et puis après on retrouve à la base donc les jambes, les membranes inférieures, et les mains et les pieds à l'extrême fin, tout au fond de la fosse. Boris Valentin, durant ce mésolithique, nous voici sur un lieu de mémoire préhistorique, une nécropole. Alors oui, il s'agit de la quatrième nécropole connue en France, sachant qu'on en connaît aussi beaucoup par ailleurs en Europe. Hein, c'est un phénomène tout à fait nouveau dans l'histoire de l'humanité. Les premiers regroupements de sépultures de ce genre, associés ou non à l'habitat, apparaissent donc au début du Mésolithique, aux alentours donc de 9500 avant Jésus-Christ. C'est un phénomène tout à fait nouveau qui n'a pas de précédent au Paléolithique. Au Paléolithique, il y a des sépultures, mais ce sont des sépultures qui ne connaissent pas des regroupements de ce genre. Donc ça nous interpelle beaucoup, car on parlait de sociétés plutôt mobiles. Dans un certain nombre de cas, c'est avéré, puisqu'on a des campements de brève durée d'occupation. Donc ça signifie que les gens s'en vont au bout de quelques semaines, quelques mois. Et pourtant, il y a ces regroupements qui sont très peu courants chez chasseurs-cueilleurs mobiles connus par l'ethnographie. Donc il y a une espèce de paradoxe. Pour l'instant, tout ce qu'on peut dire, c'est que ces regroupements renvoient à un nouveau mode d'ancrage territorial, des lieux de mémoire. Alors peut-être des lieux de mémoire visités par ces gens qui se déplacent régulièrement, mais qui reviennent aussi régulièrement au même endroit pour enterrer leurs défunts, probablement sur plusieurs années. Sachant que ça n'est pas le seul phénomène évoquant cet ancrage, il y a aussi des sépultures multiples, c'est-à-dire des sépultures qui ont été dans ces regroupements ou sans regroupement d'ailleurs, ça peut être le cas aussi de sépultures isolées, des sépultures qui ont été rouvertes, des sortes de caveaux en fait, de petits caveaux dans lesquels on a réenterré des gens. Donc ça veut dire qu'on est repassé plusieurs fois au même endroit. Il y a aussi ce qu'on appelle des phénomènes de double funérailles ou sépultures secondaires, c'est-à-dire des gens qui ont été enterrés, ensuite une partie de leurs os ont été rassemblés et réunimés à un autre endroit. Donc vous voyez, il y a des relations nouvelles qui s'instaurent entre les vivants et les morts, avec une relation donc très forte. Je ne dis pas que la relation n'existait pas avant, mais une relation itérative. Hein, c'est-à-dire que les gens viennent et reviennent manifester, effectuer probablement des rituels sur des lieux qui sont des lieux un peu pivots dans ces territoires. Il y a aussi probablement, à la fin de la période, le second mésolithique, il y a probablement aussi quelques phénomènes ponctuels de sédentarisation. Et là, on comprend mieux, dans ce contexte-là, de véritables cimetières liés aux habitats. On peut parler de véritables nouvelles croyances ? Nouvelles relations aux morts. Alors, les sépultures ne nous informent pas directement sur les croyances. En revanche, il faut faire appel à tout l'arrière-plan symbolique. Les manifestations dites artistiques, et on sait que les manifestations artistiques du Mésolithique, il en existe, n'ont absolument rien à voir avec celles du Paléolithique. La fin du Paléolithique, c'est aussi la disparition du grand art animalier figuratif, Lascaux, Niot, Chauvet, si on remonte encore plus loin. Tout ça s'effondre à la fin du Paléolithique. Et le Mésolithique, c'est en France, hein, on reste toujours à l'échelle de la France, des manifestations symboliques, mais des manifestations symboliques d'un tout autre ordre. Je pense par exemple à l'art gravé dans la forêt de Fontainebleau, que nous étudions, sur laquelle nous travaillons pas mal en ce moment, avec l'aide de Alain Bénard, qui a soigneusement inventorié depuis des années 1000 abris gravés sous grès avec des manifestations symboliques purement géométriques. On a réussi à relativement bien dater maintenant cet art, 8e millénaire, un tout petit peu plus ancien que la Haute-Île. Là aussi, ce sont des lieux pivots, des sites pivots. Les gens sont revenus régulièrement sous ces chaos de grès, effectuer donc des rites probablement qui s'accompagnent de ces figures purement géométriques. Vous parlez de rites, les archéologues ne peuvent pas trouver les rites, ils ne peuvent trouver que des pratiques funéraires. Des gestes qui sont, que l'on peut dire, rituels à partir du moment où ils sont itératifs et à partir du moment où ces gestes dépassent les strictes nécessités de la vie quotidienne. Boris Valentin, ce mésolithique dont nous parlons, ce serait la naissance des nécropoles, à vous écouter. Il n'y a effectivement pas d'antériorité à ce phénomène. Il n'y en a pas avant le 10e millénaire, avant Jésus-Christ. Les premières sépultures, c'est aux environs de moins 100 000. On est dans le paléolithique moyen. Ce sont des sépultures plutôt isolées. Au paléolithique récent, qui va suivre entre moins 40 000 et les débuts du mésolithique, aux alentours de moins 10 000, moins 9 500, là, on a des sépultures occasionnellement. À tous les moments du paléolithique récent, il n'y a pas forcément de sépulture. C'est un phénomène qui est bien situé dans le temps et dans l'espace. Ça renvoie à des rites particuliers à certaines sociétés, mais on n'a pas de phénomène de regroupement comme ceux que l'on décrit pour le mésolithique. Gabriel Bossé, les individus sont accroupis, tête sur les genoux, une pratique curieuse ou tout au contraire ? Donc, comme le disait Boris Valentin, les positions assises sont une pratique qui est assez courante au Mésolithique. Après, elles se retrouvent de manière ponctuelle dans certains sites. Donc, il n'en existe pas que à la Haute-Île. Par contre, la spécificité de la Haute-Île, c'est qu'elles sont toutes dans la même position assises. On n'a pas de différence dans les gestes funéraires. Est-ce qu'on peut penser qu'ils aient été enterrés ligotés ? C'est une possibilité, comme c'est aussi une possibilité qu'ils soient enterrés uniquement dans un linceul assez serré. Et nous, on n'arrive pas, en tant qu'archéo-anthropologue, on n'arrive pas à différencier ces gestes funéraires. Sont-ils accompagnés dans l'au-delà par quelque objet ? Alors, on a sur la Haute-Île, on a un individu qui a été enterré avec effectivement de la parure, des trivia europaea, des littorines, des dentales, qui renvoient, disons, à Édic et Téviec, qui présente également des sépultures avec énormément de parure. Donc, à vous écouter, ces individus avaient des petits coquillages qui seraient venus de l'Atlantique ? C'est ça, c'est tout à fait ce qu'on a pu identifier sur la Haute-Île. On n'en a que quelques exemplaires, mais en tout cas, ils sont présents. Et donc, ça montre des relations, en tout cas, avec des populations atlantiques ou, disons, des territoires beaucoup plus larges, quoi, des échanges beaucoup plus larges. Ouais, Valentin, on pourrait y voir une différenciation sociale, l'un de la parure, les autres rien du tout? C'est possible. Pour l'instant, évidemment, cette question de la hiérarchisation sociale est une question qui est beaucoup étudiée pour le mésolithique. Je disais qu'on avait quelques preuves de sédentarisation dans le mésolithique le plus tardif. Et on sait, chez les chasseurs-cueilleurs sédentaires connus par l'ethnographie, que dès qu'il y a sédentarisation, il y a stratification sociale, il y a des différenciations de statuts qui apparaissent. Donc nous traquons tous les signes de différenciation. Des différences de parure ne suffisent pas à établir cela. Ça peut être les différences de parure peuvent tenir simplement à des différences d'âge ou de genre. Ça, c'est bien connu par l'ethnographie. C'est pas nécessairement, ça s'accompagne pas d'un statut social distinct. Pour établir une différenciation sociale, il faudrait des preuves de richesse, hein, donc des viatiques particuliers associés à certaines tombes. En France, pour le moment, dans qu'il s'agisse de sépultures individuelles ou de sépultures regroupées, pour l'instant, pendant le mésolithique, on n'a pas d'évidence de différenciation sociale nette. À la même époque, quasiment que Théviac et Eudique, pas que Laoutil, hein, c'est une époque un peu plus récente, donc dans des contextes de sédentarisation, au 6e millénaire avant Jésus-Christ, au Danemark, là, on a dans les regroupements de tombes quelques légères traces de différenciation sur la base, encore une fois, des viatiques hors parure. Voilà. En revanche, si vous allez du côté Serbie-Roumanie, frontière Serbie-Roumanie, là on a des cimetières aussi mésolithiques associés à des habitats, pas de traces de différenciation sociale. Donc on traque. Hein. Ce sont des enquêtes très difficiles parce qu'en fait, l'absence de preuves dans ce domaine n'est pas une preuve de l'absence. Si vous pensez à nos tombes actuelles, si vous pensez dans nos cimetières, une société qui est ô combien hiérarchisée avec les 1% d'un côté, les 99% de l'autre, eh bien si vous regardez le contenu de nos tombes, eh bien ces tombes sont très très peu différenciées. Hein. Donc ça n'est pas parce que les tombes sont peu différenciées qu'il n'y a pas hiérarchisation sociale. Je dirais qu'au contraire, lorsque les tombes sont très différenciées, il y a hiérarchisation sociale, mais ce n'est pas parce qu'il y a hiérarchisation sociale que les tombes sont très différenciées. Gabriel Bosset, vous avez retrouvé l'habitat de ces individus qui se sont fait enterrer sur votre site ? Alors, on a identifié des occupations qui sont synchrones des sépultures, des dates en tout cas des sépultures. Par contre, pour l'instant, la stratigraphie est assez complexe et on n'arrive pas forcément à associer les sépultures à un habitat. Boris Valentin, ces quatre tombes peuvent-elles nous dire quelque chose sur l'organisation du groupe, leur passage ? Elles nous disent quelque chose sur cet ancrage territorial qu'évoquent ces phénomènes de regroupement. Elles nous disent, pour l'instant, elles ne nous disent rien sur la différenciation de statut entre les individus. Il faut attendre la suite, il faut attendre justement de pouvoir élucider cette question cruciale des connexions ou non avec un habitat dont nous avons quelques traces à la Haute-Île, mais le lien n'est pas encore fait entre sépulture et habitat. C'est le programme des années à venir, hein, sur cette fouille que finance le Conseil général de Seine-Saint-Denis, qui attache beaucoup d'importance à ces grandes découvertes. Donc il y a une suite, bien sûr, à ces recherches. Et la suite portera, entre autres, sur ces questions de relations entre habitat et sépulture. En tout cas, ces tombes sont rarissimes. Donc 4 tombes aujourd'hui en Seine-Saint-Denis, 9 sur une île bretonne, 10 sur une autre île bretonne, les fameux sites de Théviac et Eudique. Tout ça est très, très rare. Alors, rare au regard des connaissances sur les périodes plus récentes de l'histoire de l'humanité, qui sont beaucoup mieux connues, car beaucoup mieux conservées. Évidemment, si on compare ce nombre de tombes au nombre de tombes connues pour le néolithique, c'est-à-dire les premiers paysans, ou a fortiori pour le nombre de tombes connues pour le Moyen-Âge, ce nombre est assez ridicule. En revanche, tout est relatif, hein, toute chose étant égale par ailleurs, à condition de conservation égale, si l'on compare ce qui se passe après 9500 avant Jésus-Christ, donc au mésolithique, à ce qui se passe avant, et juste avant, au paléolithique récent, là, il y a une explosion du nombre de tombes. On passe, en gros, pour les 30 000 ans du paléolithique récent, on a en gros une centaine d'individus qui ont été inhumés, et encore pas à toutes les époques et pas dans toutes les régions. Donc une centaine d'individus pour les 30 000 ans, entre moins 40 000 et 9500 avant Jésus-Christ, on passe d'une centaine d'individus à 1500 individus pour les 4000 ans du mésolithique. Donc il y a une véritable explosion du nombre d'inhumations. Il y a aussi des crémations à cette époque, donc C'est à la fois quantitatif et qualitatif, c'est-à-dire augmentation du nombre et aussi diversité des pratiques, inhumation, crémation, regroupement par regroupement, etc. Et puis il y a aussi cette mandibule qui a été trouvée dans le 15e arrondissement de Paris, rue de Farman, donc un bel habitat de cette période, et puis d'un seul coup, juste une mandibule qui traîne comme ça sur le sol. Alors ça se produit effectivement sur un certain nombre de gisements d'habitat. Pour le moment, ça pose question. Est-ce qu'il s'agit d'anciennes sépultures démantelées ou bien des pratiques funéraires spéciales? Ça peut être des bouts d'ancêtres que l'on trimballe, c'est connu aussi par l'ethnographie, des reliques en quelque sorte, hein, donc c'est pas du tout impossible. Éventuellement des morceaux d'os humain que l'on utilise pour de la parure, que sais-je. Il y a aussi l'hypothèse, qui n'est pas du tout à exclure, de pratiques cannibales. Il y a des pratiques de ce genre qui ont été mises en évidence dans le Mésolithique français, au 8e millénaire avant Jésus-Christ, en Charente, un site où plusieurs individus ont été consommés. Donc ça peut être une explication possible, ça laisse des traces dans ces cas-là, ça laisse des traces de découpe, de concassage des os, analogues à ceux qu'on trouve sur le gibier. Donc il faut vérifier sur ce site de Farman, dans le 15e arrondissement, si ces restes osseux sont susceptibles d'avoir subi le même traitement que le gibier, ou bien au contraire, s'ils ont été conservés comme reliques. Gabriel Bossé, qu'est-ce que vous allez faire de ces os? J'imagine plein d'études. Oui, on va commencer à réaliser des études sur le sujet. Donc déjà les études archéo-anthropologiques entre guillemets, donc reconstituer les conditions de dépôt des individus. Ensuite, il y a aussi des analyses ADN qui sont prévues, qui donneront peut-être de très bons résultats. On a de la parasitologie également qui va être réalisée. Donc voilà, on essaie d'en apprendre au maximum de ces individus qui sont plutôt rares effectivement pour la période. Vous savez déjà s'il s'agit d'hommes, de femmes, d'enfants? On sait que ce sont des adultes. Pour le sexe, nous n'avons pas les os qui nous permettent de le déterminer, de réaliser une détermination fiable. Pour l'âge, on va essayer... le problème, c'est qu'on n'a pas les os coxaux, donc c'est pareil. On est un petit peu limité sur ces questions. J'avais rencontré en 1987 le dernier participant des fouilles de Teviec et Édic, Claude Saint-Just Pécard, qui à l'époque témoignait. Que valent aujourd'hui ces fouilles de nos jours? Ce sont des fouilles complètement pionnières, c'est des fouilles d'excellente qualité pour l'époque, les années 1930. Voilà, c'est exceptionnel, c'est drôle, ce sont des précurseurs. Donc on a une documentation de bonne qualité pour l'époque, bon, mais qui ne répond pas non plus complètement aux standards d'aujourd'hui, mais on peut réexploiter des éléments, on a une grosse documentation iconographique notamment, sur ces deux cimetières qui, eux, concernent l'extrême fin du Mésolithique. Hein. C'est plus tardif que la Haute-Île. Et ce sont des phénomènes, donc, là, en l'occurrence, un tout petit peu différents, puisqu'on est là en contexte où l'on peut démontrer, sur la base de ces archives anciennes, la sédentarisation des groupes. C'est en Bretagne, sur un milieu côtier, un milieu extrêmement riche du point de vue écologique. Et là, on a des communautés de chasseurs-cueilleurs qui se sont sédentarisées et qui ont édifié ces cimetières au sein de leur habitat. Tout ça, évidemment, on peut le déterminer sur la base de ces archives de fouilles assez exceptionnelles pour ce que, en comparaison de ce qui se faisait à la même époque dans les années 1930. Reste à trouver donc un nouveau Teviec et Édic. On espère bien. Notre collègue Grégoire Marchand est en train de fouiller un autre gisement voisin, le site de Béguerville, dans un contexte donc analogue de sédentarisation. Pour l'instant, il n'y a pas, à ma connaissance, de restes humains, du moins inhumés, qui étaient découverts. Mais c'est évidemment le grand espoir de mieux connaître ces communautés de chasseurs-cueilleurs sédentaires. Sachant, j'insiste, qu'à l'échelle de la France, c'est un phénomène assez limité pour l'instant, chronologiquement et géographiquement, la Bretagne et à l'extrême fin du Mésolithique. Gabriel Bossé, vous vous attendez à combien de tombes? Il peut y en avoir 5, il peut y en avoir 10, il peut y en avoir 30, 40, on ne sait pas. En fait, on a le terrain pour pouvoir fouiller et vérifier. Par contre, le nombre, il reste inconnu. Et il sera beaucoup plus important, je pense, que ce qu'on a à l'heure actuelle en France. Le Salon Noir était réalisé par Alexandra Malka, à la technique Michel Mestre, attaché d'émission Catherine Donnet. Vous pouvez bien entendu écouter ou podcaster cette émission sur la page du Salon Noir, sur le site franceculture.fr, ou retrouver plus de 300 archives de l'émission sur le site inrap.fr. La semaine prochaine, le Salon Noir se penchera sur des mammouths et des hommes.